Les remerciements vont d'abord à Dieu qui nous a accordé ces moments d'échange. Avant d'écouter la parole de Dieu, je voudrais qu'on prie. Nous allons d'abord prier pour notre nation. Vous connaissez, vous suivez un peu l'actualité. On parlait beaucoup plus de terrorisme. Mais on se rend compte qu'il y a encore d'autres problèmes qui sont internes, des manifestations, des soulèvements de populations qui font des mécontents et des pertes en vie humaine aussi. On a aussi le gouvernement qui a eu sa démission dans la semaine, dans cette situation de crise encore. Donc il y a plein de questions qu'on peut se poser. Mais je pense qu'en tant que chrétien, ce que nous pouvons faire, c'est de prier. Et je voudrais qu'on fasse cette prière avant d'écouter la parole de Dieu. Et donc, on va se diviser en deux rangées. Ceux qui sont à ma droite, donc ceux qui sont à gauche, qui sont à ma droite, vous allez prier pour le président et le nouveau gouvernement qui va venir. Ça ne veut pas forcément dire que tous les ministres vont partir. Vous savez que quand un premier ministre démissionne, tous les ministres sont obligés de démissionner avec lui, même si le gouvernement peut choisir un nouveau ministre qui va répondre des anciens ministres. Donc c'est un principe comme ça. Donc vous allez prier pour le gouvernement qui va se constituer, que Dieu puisse vraiment donner un gouvernement à la hauteur vraiment des attentes de la population et du pays, de la situation nationale. Et ceux qui sont à ma gauche, vous allez prier pour la situation nationale au niveau des... J'allais parler des sociétés civiles et de tous ceux qui sont population, collaboration entre les populations et les forces de l'ordre. On a eu la semaine passée le cas à Banfora, des policiers qui sont morts. Et dans la semaine, c'est à Rodara où on a beaucoup plus de civils qui sont morts. C'est vraiment triste. Donc vous allez prier pour la population et que Dieu puisse aider tous ceux qui sont au Burkina afin qu'on puisse trouver la sagesse pour gérer le conflit. Parce que ce n'est pas forcément par la force qu'on peut toujours trouver la solution. Que Dieu nous donne la sagesse pour trouver la bonne solution. Donc prions ensemble. Donc je te remercie pour l'occasion que tu nous donnes de nous bénir. Et c'est aussi l'occasion pour nous de plaider en faveur de notre pays. Tu dis de prier pour les autorités, car notre situation, notre avenir en dépend. Et notre Père aussi, nous voulons te confier dans la situation nationale que tu connais bien. Et notre souhait est que nous puissions continuer à rester dans cette paix. Touche les cœurs qui sont attristés, console les familles qui sont endeuillées. Et nous prions aussi pour le gouvernement que tu donnes la sagesse qu'il faut afin de pouvoir trouver la solution adéquate pour ces moments difficiles que nous traversons. Merci de ce que tu agis, que tu agis là encore au nom de Jésus. Amen. On va tous ensemble prier maintenant pour toujours la sécurité du pays, la situation de cette sécurité en général. Parle de terrorisme, il se peut que des plans soient tissés même hors du pays, qui sont exécutés à l'intérieur du pays. Et c'est Dieu qui connaît tout. Nous couchons, nous dormons, nous ne savons pas ce qui se passe. Et Dieu connaît tout. Nous allons prier que Dieu lui-même puisse veiller sur la nation et vraiment limiter et que tout ce qui s'est passé soit dans l'histoire, mais qu'on ne dise pas « Ah, les choses ne font que commencer » comme on a l'habitude d'entendre beaucoup de gens qui disent que ça devient de plus en plus pire. Mais nous avons confiance que le Dieu qui nous a maintenus depuis l'insurrection jusqu'à maintenant est le Dieu de paix et qui pourra maintenir cette paix. Donc prions pour la paix et la sécurité du pays. Père, nous pouvons aussi te confier une nation. C'est toi le prince de paix. Et tu as voulu aussi que nous soyons toujours dans la paix. Et nous ne pouvons rien faire sans toi. Si toi tu regardes un pays, ceux qui regardent travaillent en vain. Voilà pourquoi nous voulons te continuer encore la sécurité du pays. Que tu sois toi-même le gardien. Que tu sois toi-même le protecteur, afin que Seigneur, nous puissions revoir cette situation initiale de paix qu'on avait et de vie de quiétude. Merci, puisque tu agis et que tu agiras toujours en faveur de tes enfants. Amen. Je vais demander à Fidèle de prier pour le message que nous allons écouter maintenant. Que Dieu puisse nous aider à pouvoir comprendre et à pouvoir aussi appliquer ce message dans nos vies. Amen. Merci. Alors, ce matin, je voudrais qu'on échange sur un thème que j'ai intitulé « Il est temps de nous réveiller de notre sommeil spirituel. » Il est temps de nous réveiller de notre sommeil spirituel. Et il y a deux textes que nous allons lire au début et aussi deux textes que nous allons lire à la fin. Et le premier texte, c'est dans Romains, tout est dans le Nouveau Testament. Romains 13, 8 à 14. Romains 13, 8 à 14. Je le lis à la version 8 secondes, 21. Vous dites, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras pas, ainsi que tous les autres. Se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait pas de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Verset 11, cela est d'autant plus important que vous savez. Cela est d'autant plus important que vous savez quel temps nous vivons. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de vous, de nous, qu'au moment où nous avons cru. La nuit est bien avancée, le jour approche. Débarrassons-nous donc des œuvres des ténèbres, revêtons les armes de la lumière. Conduisons-nous honnêtement, comme en plein jour, sans orgie ni ivrognerie, sans immoralité ni débauche, sans dispute ni jalousie, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de votre nature propre pour satisfaire ses convoitises. Amen. Et ici, on a commencé, l'apôtre a commencé à parler de l'amour, mais ce qui m'intéresse ici, c'est à partir du verset 11 où il a dit, voilà, d'autant plus que vous voyez le temps approcher, d'autant plus que vous voyez la fin approcher, vous devez renforcer ces liens d'amour. Et il est temps de nous réveiller enfin du sommeil. Et je me suis dit, déjà, on peut aussi dormir spirituellement. On peut aussi dormir spirituellement. Tout comme on connaît le sommeil naturel. Et quand on parle de sommeil, ou quand on parle de réveil, réveiller et sommeil sont deux mots opposés. Tu vois, celui qui a sommeil, ne peut pas dire qu'il est réveillé. Et celui qui est réveillé ne va pas dire qu'il a sommeil. Donc, c'est vrai que d'autres vont dire qu'on peut être réveillé, mais on a sommeil. Le sommeil est en train de venir. Mais quand tu dors, c'est que tu n'es pas réveillé. Et ici, nous voyons l'apôtre qui avait aussi bien mentionné plein de choses que nous allons voir par la suite qui nous mettent dans cet état de sommeil. Il a parlé, il a dit à partir du verset 12 de nous débarrasser de tout ce qui est œuvre des ténèbres. Et dans d'autres versions, on nous dit tout ce que les gens se cachent pour faire, tout ce dont on a honte de faire en lumière, en jour, nous devons nous débarrasser de cela. Et j'ai parcouru un peu quelques versions, je n'ai pas toutes les versions ici, mais je pense qu'en fonction de vos versions, vous aurez des termes comme ça. Et voilà, il a cité les orgies, l'ivrognerie, l'immoralité, la débauche, les disputes, la jalousie. Et qu'est-ce que nous devons faire? C'est de nous revêtir du Seigneur Jésus et de nous préoccuper, de ne pas nous préoccuper de notre propre nature qui cherche à satisfaire nos convoitises. Et le deuxième texte se trouve dans Éphésiens. Éphésiens 5. Verset 8 à 18. Qu'est-ce qui est dit là-bas? Éphésiens 5. 8 à 18. Car si autrefois vous étiez ténèbres, on ne dit même pas que vous étiez dans les ténèbres, on dit vous étiez ténèbres. Car si autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Le fruit de l'Esprit consiste en effet dans toute forme de bonté, de justice et de vérité. Discernez ce qui est agréable au Seigneur et ne participez pas aux œuvres stériles des ténèbres, mais démasquez-les plutôt. En effet, ce que les hommes font en secret, il est même honteux d'en parler. Mais tout ce qui est démasqué par la lumière apparaît clairement, car tout ce qui apparaît ainsi est lumière. C'est pourquoi il est dit, « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Bon, on va s'arrêter là au verset 18. Donc, nous voyons que ces versets viennent en complément à ce que nous avons lu et de l'autre côté et dans Romains. Et la question que je me suis posée, comme je disais, est-ce que nous sommes conscients que l'Église dorme aujourd'hui? Est-ce que nous sommes conscients de cet état de fait? Parce que quand on parle de se réveiller, il faut d'abord être conscient qu'on est en train de dormir. Et quand on parle d'Église, ne voyez pas le bâtiment, c'est toi, c'est moi, c'est nous qui constituons l'Église. Est-ce que nous sommes conscients que nous sommes en train de dormir? Et j'ai essayé de me poser un certain nombre de questions et de chercher aussi des réponses qui ne sont pas forcément... la liste n'est pas exhaustive. Je pense que vous pourrez aussi ajouter des réponses. Mais pour avancer, je me suis d'abord demandé c'est quoi le sommeil spirituel. Et le sommeil spirituel, c'est lorsque nous sommeillons. Quand on dit sommeil spirituel, c'est lorsque nous sommeillons, il y a un ralentissement de tout. Une inconscience, c'est tout comme naturellement quand on dort, toutes les activités sont au ralenti. Et le cœur continue à battre, vous respirez, mais peut-être que vous allez avoir moins de fréquence respiratoire que quand vous êtes en pleine activité. Et le sang aussi ne circule pas aussi avec le même rythme, la même vitesse que quand vous êtes en pleine activité. Et même votre conscience, Vous pouvez dormir, vous pouvez même rêver. Parce que pour rêver, il faut dormir. Bon, je ne sais pas si des gens peuvent rêver aussi en étant éveillés. Mais généralement, quand on parle des rêves, ce n'est pas nos ambitions, ce que je veux avoir. On appelle ça aussi des rêves. Mais quand on parle des rêves où tu peux dormir et te retrouver, peut-être voilà, à Urudara, tu vois que tu es en train de faire des activités avec des amis là-bas, alors que tu es à Ouaga ici en train de dormir. C'est de ces rêves que je parle. Donc, quand on parle des rêves, c'est dit on est inconscient. Tout ce qui se passe autour de nous, les gens même peuvent parler de toi, te critiquer, tu n'es au courant de rien, parce que tu es en train de dormir. Tes oreilles sont là, mais en ce moment, ces oreilles, le son est là, mais tu n'arrives pas à entendre parce que tu es ailleurs. Et donc, c'est cet état d'inconscience que nous appelons sommeil. Et cet état peut nous atteindre aussi au niveau spirituel. Et on peut aussi avoir une différence entre dormir profondément et un sommeil léger. Et lorsque vous voyez généralement les voleurs, quand ils partent pour casser et voler chez des gens, et pour s'assurer que les gens ne vont pas se réveiller et les surprendre, ils essaient d'utiliser aussi des produits pour les permettre de dormir profondément. Et il y a des gens de nature qui ont un sommeil profond, mais d'autres de nature ont un sommeil très léger. Et il y a des gens, lorsqu'ils dorment, on peut tout faire. On peut même le prendre, aller déposer ailleurs sans qu'il ne sache. De nature, il y a des gens qui ont vraiment ce sommeil profond. Et on peut aussi avoir des cas similaires au niveau spirituel. Et celui qui dort spirituellement, on peut retenir que c'est celui dont tout devient inactif. Du côté spirituel, il a un manque de dévotion. Celui qui a perdu les bonnes manières spirituelles. Et les bonnes manières spirituelles, c'est quoi? Ça dépend. Et en agriculture, le domaine que je connais le mieux, on parle beaucoup plus des bonnes pratiques agricoles. Et quand on parle des bonnes pratiques agricoles, il y a un certain nombre de pratiques que vraiment un agriculteur qui arrive à les suivre, même sans aller à l'école d'agriculture, ne peut que réussir ses cultures. Et aussi, au niveau spirituel, on a des bonnes pratiques spirituelles qu'un chrétien doit suivre pour maintenir son état spirituel. Et là, je cite la prière. Je disais tantôt que lorsque nous sommes en train de dormir spirituellement, nous devenons inactifs. Est-ce que nous arrivons à prier? Quel est notre niveau d'activité, notre niveau de pression, notre niveau au niveau de la prière? Chacun connaît comment il prie. Et la prière, il ne faut pas... c'est tout un thème qu'on peut aussi développer. Il y a beaucoup d'aspects qu'on peut... On peut même faire des conférences sur rien que la prière. Et quand on parle de prière, il ne s'agit pas de longues prières pour dire, voilà, moi, je peux m'asseoir toute une journée en train de prier. Mais c'est ton état de cœur, la relation, la communion que tu peux toujours avoir avec Dieu. Est-ce que tu arrives chaque fois à te rapprocher de Dieu pour parler ou bien ne prions que lorsque nous sommes dans des situations compliquées. Je disais hier à la femme de mon grand frère que voilà, on a eu la situation à Urudara. Maintenant, les chrétiens vont comprendre que quand on dit de prier pour la nation, généralement, quand on dit de prier pour la nation, souvent, on s'assoit, on dit, bon, ça se passe dans d'autres régions. Ça se passe au nord, ça se passe au Sahel. Nous, on est épargnés. Maintenant, ce n'est pas le terrorisme, mais quand on a des cas comme ça, on se rend compte que la situation est devenue plus compliquée et qu'il faut prier. Et c'est dommage que souvent, en tant que chrétien, on tombe dans cet état et on est là que lorsque la situation ne nous concerne réellement, si je peux le mettre entre guillemets, quand je dis ne nous concerne, c'est quand on se sent menacé, c'est quand on se sent vraiment concerné individuellement qu'on ne peut prier. Sinon, s'asseoir, dire bon, je vais prier pour cette situation, de toute façon, ça ne va jamais m'arriver, je ne vais pas prier pour ça. Alors que la prière, on aura toujours des sujets de prière. Et rien que les sujets de prière pour les autres peuvent t'empêcher même de prier pour toi-même. Et en plus de la prière, qui est une bonne pratique spirituelle, il y a aussi la lecture de la parole de Dieu. Et est-ce que nous arrivons à lire la parole de Dieu? Lire et méditer, C'est important parce que c'est la parole de Dieu qui est la recette pour que nous puissions grandir spirituellement. C'est notre recette en tant que chrétien. Et moi, je ne sais pas qui a une fois lu toute la Bible, du début à la fin. Non, il y a une autre question qui va venir. Qui a déjà lu la Bible du début jusqu'à la fin? Qui a déjà lu plus d'une fois la Bible du début à la fin? Donc, il y a Paul seulement parmi les présents qui n'a lu plus d'une fois. Moi, je l'ai lu une fois. Et j'étais décidé et je disais chaque année, il faut que je lise la Bible du début à la fin. Et quand j'ai fini, la première fois que j'ai lu du début à la fin, j'ai découvert beaucoup de choses. Et j'ai toujours cette Bible à la maison qui est la couverture est partie, mais j'avais tellement noté des choses dans la Bible que je ne veux jamais la perdre. Mais voilà que j'ai perdu toute cette habitude. Le courage que j'avais, la soif que j'avais en ce moment, je ne sais pas pourquoi, mais je n'arrive plus. Même si je décide, finalement, je prends un livre et j'ai fini le livre. Après, j'ai dit, bon, pourquoi aller prendre tout le livre, toute la Bible encore? J'ai déjà lu, même, je connais déjà. Ou bien, voilà, les gens prêchent toujours, voilà, j'ai toujours les passages. Mais je me demande, personne ne m'avait dit, il faut lire du début à la fin, mais ce courage, d'où était venu ce courage pour que je dise, bon, je commence la lecture de la Bible jusqu'à la fin. Cette décision. Donc, ce sont des bonnes pratiques. Qu'on peut perdre au fil du temps, on verra par la suite. Donc, je le dis parce que, comme je l'ai dit, quand on parle, quand on donne un message, c'est parce qu'on est les premiers concernés. Et avant qu'on le partage pour les autres, vous allez constater que je vais beaucoup plus parler de nous, et de, au lieu de vous. Ce n'est pas pour venir critiquer des gens parce que je suis aussi concerné. Il y a aussi le témoignage. Le bon témoignage, c'est une bonne pratique spirituelle. Est-ce que nous avons du bon témoignage autour de nous? Est-ce que nous avons un bon témoignage dans notre famille et dans notre logement, avec nos collègues au service ou à l'école? Quelles sont nos bonnes manières qu'on peut relever? Il y a aussi l'évangélisation. Peut-être qu'en temps, nous étions prêts à évangéliser, à parler, à la moindre occasion, à parler de Jésus à quelqu'un, mais nous avons perdu tout ça. Et lorsque nous perdons tous ces états, et toutes ces attitudes, c'est que nous devons savoir que nous sommes en train de dormir spirituellement. Et le sommeil, c'est aussi celui qui sombre dans le péché, tel que les mensonges, les critiques, plus on évite, plus on s'éloigne des bonnes pratiques spirituelles, plus l'autre côté prend le dessus. On sombre beaucoup plus dans le péché. Donc, vous allez voir que, comme on aime le dire, la nature a horreur du vide. Voilà, si on n'est pas occupé spirituellement, voilà, on sera occupé autrement. Et c'est le péché qui va prendre le début. Et pour savoir notre état de sommeil, il suffit simplement de nous comparer à notre état de conversion quand nous venons juste de nous convertir. Quelle était notre motivation? Où on était prêt à tout pour Dieu. On était prêt, on était vraiment, comme on aime dire, chaud. Et maintenant, on s'assoit, on dit, à notre temps. Voilà, on chantait à la chorale, à notre temps. On faisait des distances pour aller évangéliser. À notre temps, on faisait telle chose à pied, même on faisait telle chose. Mais on est toujours dans le monde, donc c'est toujours notre temps. Donc on ne doit plus parler, on ne doit pas parler d'époque avec Dieu ou de notre temps avec Dieu. Nous avons perdu notre engagement, notre zèle. Le sommeil profond spirituel nous entraîne généralement à la mort spirituelle. C'est ça aussi. Bon, même de nature, on peut trouver, il y a des gens qui peuvent dormir et mourir en même temps. Je ne sais pas si c'est toujours, ça peut être des AVC, ça peut être lié à des maladies cardiaques ou autres, mais il y a des cas comme ça qui arrivent. Bon, il y a des raisons que les gens cherchent à donner, mais il y a des gens qui peuvent dormir et mourir. Mais nous devons savoir qu'au niveau spirituel, plus nous sommes dans un profond sommeil spirituel, plus cela nous conduit à la mort spirituelle. Et nous avions au début le sens de la sanctification, mais aujourd'hui, nous n'en trouvons plus d'intérêt. Tout ce qui est sanctification, tout ce qui est vie de péché, et voilà, c'est la vie de péché qui prend le dessus, comme je le disais. Et combien sommes-nous de jeunes à nous suer de nos jours de pratiques sexuelles avant le mariage ou avec même des images pornographiques ou des vidéos et images malsaines. Alors que nous disons que nous sommes identifiés, nous sommes chrétiens, nous sommes jeunes chrétiens, mais nous nous retrouvons encore tout simplement parce qu'on est, voilà, on veut dire qu'on est branché comme les autres, on est resté connecté comme les autres. Quand j'étais en Belgique, il y a un pasteur congolais qui nous a raconté l'histoire d'un membre d'église qui vivait en Europe là-bas. Bon, il nous a pas dit précisément de quelle nationalité la personne était, mais c'est quelqu'un qui a eu des problèmes et la police est venue chez lui pour voir ce qu'il a dit. Voilà, il veut faire une réquisition si la personne en fouille. Voilà. Et quand il a eu ces problèmes, toute l'église, tout le comité s'était levé pour le défendre, pour dire vraiment, c'est un chrétien engagé, tout le monde le connaît, vraiment, on l'accuse à tort, on ne peut pas accepter des choses comme ça. Et qu'est-ce que la police a fait? Au lieu même, avant même d'arriver au procès, la police les a montré des DVD, des CD, d'images, des vidéos pornographiques et autres qu'ils ont trouvées chez lui à la maison. Ils disent, voilà. Pour vous dire de ne pas trop insister sur le côté spirituel de votre type, voilà déjà ce que nous on a pris chez lui. Donc attention, en attendant le procès, il faut être passé, il faut faire attention à ce que vous dites. Et il se retrouvait maintenant dans une confusion au niveau des comités ou du corps pastoral parce qu'il ne savait plus quoi dire. C'est triste. Que voilà, pour nos péchés, pour notre vie spirituelle, on arrive à sombrer dans des choses comme ça. Réveille-toi de ton sommeil. Le texte d'Éphésiens l'a dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, réveille-toi dans ton sommeil. Ma sœur, mon frère qui m'écoute ce matin, Dieu veut que nous nous réveillons de notre sommeil. Personne ne veut être atteint de la maladie du sommeil. C'était une maladie qui était là au début, qu'on appelait maladie du sommeil, qui était dans des lieux vraiment très humides, où c'était lié à des mouches qui piquaient des gens et la personne était voilà, dans un état de sommeil permanent. Vous dormez le jour, la nuit, vous vous levez, mais lui, à tout temps, il a sommeil. Et jusque-là, on a des gens qui sont aussi comme ça. Et quand c'est comme ça, c'est triste pour la famille, parce que pendant que les autres veulent travailler, lui, en tout temps, lui, il a sommeil. Même le jour où vous êtes en activité, il a toujours sommeil. Et personne ne veut, de nature, être atteint d'une maladie ou d'un état comme ça. Pourquoi spirituellement, nous sommes aussi dans cet état souvent de sommeil. Pour nos péchés qui nous dérangent, nous avons besoin d'une délivrance, de les abandonner totalement. Ce sont nos péchés qui nous amènent toujours dans cet état de sommeil. Et nous allons le voir par la suite, et à travers la question que je me suis aussi posée, qu'est-ce qui nous fait dormir? Et on va voir que la plupart du temps, c'est notre tendance à voilà, imiter ou à rester dans le péché. Et donc, qu'est-ce qui nous fait dormir pour aller vite? Ce sont les distractions, les choses qui font que nous oublions que Dieu est notre priorité. Tout ce qui ne te permet pas de mettre Dieu à la première place, à la longue, va te faire dormir spirituellement. Donc, il faut que nous ayons toujours Dieu en priorité. Donc, toutes ces choses qui nous distraient ou qui nous empêchent de mettre Dieu en priorité sont des choses qui nous font dormir. Il y a aussi les soucis du présent siècle. Nous pouvons être aussi soucieux. Et voilà, on est là tout le temps en train de se demander qu'est-ce que nous allons manger, qu'est-ce de quoi nous allons nous vêtir, de quoi nous allons nous déplacer, où nous allons dormir, ainsi de suite. Alors qu'il y a plein de textes que Jésus a cités sur les inquiétudes. Ne vous inquiétez pas. Et Pierre aussi est revenu sur ça. Dès que nous avons notre repas quotidien, rappelez-vous de la prière que Jésus a enseignée à ses disciples. Donne-nous notre repas d'aujourd'hui. Il n'a pas dit, donne-nous notre repas de 2 mois, d'un an. Et souvent, je m'assois, je dis, mais moi, j'ai des vivres, j'ai des provisions à la maison, j'ai du riz déposé, j'ai des spaghettis, j'ai assez de choses, même si je n'achète pas, je peux manger avec ma famille pendant 2 mois, 3 mois. Mais pourquoi souvent, je m'assois encore dans des soucis? Alors que ici, on nous dit, dès que nous avons nos besoins pour le jour de la journée, nous devons déjà sans inquiétude. Et donc les soucis du présent siècle aussi peuvent nous amener, et plus on se soucie, plus on ne met pas Dieu à la première place, et plus on a tendance à décliner, à nous trouver dans un autre état. Il y a aussi la recherche du plaisir. Voilà, parce qu'on veut se faire plaisir, et la recherche de ce plaisir, on peut encore aller se retrouver dans cet état spirituel. La soif excessive d'accumulation. J'en ai déjà, on n'a pas le contentement. On ne se contente pas de ce qu'on a, mais on veut toujours accumuler. Et ça aussi, ça peut nous amener donc, dans cet état de sommeil spirituel. Il y a aussi les rancunes, le manque de pardon. Voilà, et il y a quelque chose qui m'est arrivé, il y a quelque chose qu'on m'a dit. Voilà, je garde ça et je ne pardonnerai jamais. Je ne pardonnerai jamais. Je pense que je vous ai une fois raconté l'histoire d'un de mes cousins qui est actuellement à Banfora, qui avait un cahier. Chaque fois que quelqu'un lui fait quelque chose, il part noter dans son cahier. Il dit, voilà, c'est parce que je suis encore élève que vous me faites ça. Son grand frère, les femmes de ses... Puisqu'on était dans la grande famille, donc les femmes de ses frères et autres qui sont là, chaque fois que quelqu'un lui... fait quelque chose, il n'est pas content, il part noter dans son cahier. Il dit, en tout cas, moi aussi, je vais devenir quelqu'un et on va voir. Tout ce que vous me faites aujourd'hui, on verra. Bon, un jour, je lui ai dit, mais tu sais que ça peut contribuer à te rendre beaucoup plus malade. Et d'ailleurs, ce sont même des gens de ta famille. Comment est-ce que ton grand frère peut être contre toi? C'est pour ton bien, s'il te gronde ou s'il y a des altercations, c'est contre ton bien. Donc, j'ai pu le convaincre, il m'a dit qu'il a jeté le cahier, je ne sais pas si c'est vrai en son temps. Mais vous imaginez, souvent, pour nous, ça peut, pour lui, peut-être c'est un cahier, il va oublier, mais pour certains, c'est même dans leur cœur que c'est écrit chaque fois. Peut-être que nous sommes en train d'écrire ça dans notre cœur quelque part, pour dire, voilà, ça, je ne vais jamais pardonner. Donc, ça peut aussi nous amener dans un état de sommeil, c'est rancune. Et le péché que nous entretenons, le péché dont nous sommes conscients dans notre vie, qui nous empêche de marcher comme nous voulons, mais que nous entretenons, nous ne sommes pas prêts à l'abandonner. Ce sont des péchés qui peuvent aussi nous garder dans cet état de sommeil spirituel. On a tout le temps, on ne peut pas ouvrir les yeux. Vous voyez, quand quelqu'un est à sommeil, vraiment il n'est pas dans ses états. Et le découragement aussi suite à nos échecs ou bien à des déceptions. Voilà, parce que j'ai fait un examen, je n'ai pas réussi, ou bien j'ai fait un concours, je n'ai pas réussi. Ou bien, voilà, j'étais en amitié avec une fille ou un garçon, il y a eu un échec. Ou bien, voilà, j'ai divorcé avec ma femme ou avec mon mari. Et des déceptions comme ça peuvent aussi nous décourager et nous amener dans un état, finalement, tout ce que nous avions comme priorité, tout ce que nous devons mener pour mettre Dieu en priorité et avoir confiance en Dieu, nous abandonnons tout et ça nous amène aussi dans un état de sommeil spirituel. Et n'oublions pas aussi notre environnement immédiat. Nous sommes dans un environnement qui peut nous influencer. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent nous influencer. Je ne vais pas rentrer dans les notions écologiques ici. Mais chacun se trouve dans un milieu qui l'environne et il subit l'influence de certains facteurs Ça peut être voilà, le milieu, la famille, ça peut être la compagnie, ça peut être, même quand nous sommes dans une situation de crise politique, on peut être dans une situation de crise au niveau national. Et ça, c'est pas un environnement qui peut amener des gens à ne pas rester ferme à Dieu et à sombrer finalement dans une déception et dans un sommeil. Nous sommes encore dans un pays où on a l'attitude de pouvoir nous retrouver pour prier. Imaginez les pays où on défend même aux chrétiens de se réunir pour prier. Et si tu n'as pas le courage, si tu n'es pas courageux, c'est l'occasion pour sombrer carrément dans un sommeil spirituel parce que tu ne peux plus aller à l'église. Et ici même, nous avons l'occasion d'aller, mais nous n'arrivons pas à aller. Il y a des jours, voilà, on s'assoit, bon, moi je suis fatigué aujourd'hui, je ne pars pas à l'église. Ou bien, bon, je suis fatigué, je ne pars pas à la prière, ou bien je n'irai pas à la chorale ou autre parce que je suis fatigué. Vous pouvez avoir des raisons pour ne pas venir, si voilà, vous ne vous sentez pas et autres. Mais pour moi, bon, ça dépend. Sinon, la fatigue, c'est Dieu qui nous ressource. Et si nous disons que nous sommes fatigués, nous pouvons rester à la maison et la fatigue, nous pouvons dormir et nous ne sommes même pas récupérés. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà fait l'expérience. Souvent, on est tellement fatigué, on ne peut pas aller à l'église. Mais quand vous partez, vous revenez, vous sentez que ce jour, vous êtes même bien reposé. Le matin, vous vous levez, aucune fatigue. C'est Dieu qui peut aussi nous ressourcer. Donc, il y a aussi notre environnement aussi qui peut... Et j'ai parlé tantôt de la compagnie. Donc, faisons aussi attention à notre environnement, tout ce qui nous environne, tout ce qui nous accompagne. Et pour terminer, donc, c'est fait. J'avais aussi fait une remarque, noté une remarque qu'un pasteur nous avait fait, et je ne sais plus c'était quel pasteur. Il disait que les yeux sont les portes d'entrée de la plupart de nos péchés. Et j'ai vu que c'est vrai. Nous, chrétiens, la plupart de nos péchés, ce sont nos yeux qui sont les portes d'entrée. Voilà, parce que je regarde que je prends après plaisir ou je suis beaucoup plus attiré par la suite et voilà, je rentre dans le péché. Et la plupart, ce sont nos yeux. Donc, faisons attention à ce que nous regardons. C'est vrai que de nature, là où on ne veut pas regarder, c'est là-bas même que les yeux veulent se tourner. Voilà. Quand je passe quelque part, on dit, ah, ici, c'est pas, il ne faut pas regarder là-bas. C'est quand tu arrives là-bas même que tu as envie de regarder. Voilà. Mais faisons attention. J'ai parlé tantôt des images malsaines, des vidéos pornographiques et autres, c'est ça. Quand on dit à nous, jeunes chrétiens, voilà, c'est pas bon. Comme on dit, c'est pas bon, c'est là-bas même on veut aller regarder. Ça me rappelle les lots à Orodara, souvent on dit, voilà, les lots sont ici, ce sont les masques qui sortent. On dit, voilà, on ne doit pas, si tu n'es pas initié, tu ne dois pas passer là-bas, tu ne dois pas regarder et autres. Mais quand tu passes, tu entends les sons, tout, tu as envie d'aller de voir ce qui se passe. C'est comme ça, c'est de nature, mais faisons attention. Et je pense que, effectivement, celui qui arrive vraiment à veiller, sur son regard, a vraiment plus de chances de réussir, à éviter beaucoup de péchés. Et qu'est-ce qu'un chrétien réveillé alors? Un chrétien qui ne dort pas, c'est celui qui prend conscience donc de son état de sommeil spirituel et qui se remet au Seigneur. C'est celui qui lit et médite la parole de Dieu. Souviens-toi d'où et comment tu es tombé. Et là, tu sauras comment te relever. Et lorsqu'on nie qu'on ne dort pas, on ne peut pas nous réveiller. Il y a des gens qui peuvent dormir, on le tape, on dit, mais tu dors. Il dit, non, moi, je ne dors pas. Si toi-même, tu dis que tu ne dors pas, on ne peut pas te réveiller. Donc, il faut que tu saches d'abord que tu dors, Mais il y a des gens, ils sont des grands dormeurs, mais ils vont toujours dire que je ne dormais pas. Mais bon, pour le tester, c'est simple. Il suffit de demander bon, qu'est-ce qu'on a dit ou qu'est-ce qui s'est passé tant. Voilà, et vous allez vous rendre compte qui ne se rend pas compte. Mais souvent, on peut voilà, nous faire le reproche et le Saint-Esprit peut nous convaincre de certaines choses, mais nous nous disons non, ce n'est pas moi. En tout cas, moi, je ne suis pas dans ça. Je ne dors pas. Et tant qu'on n'est pas conscient, quelqu'un d'autre ne peut pas donc nous réveiller à notre place. Depuis quand tu ne pries plus? Depuis quand tu n'évangélises plus? Depuis quand tu ne donnes plus à Dieu comme avant, comme tu le faisais avant? Depuis quand tu n'aimes plus comme avant? Chacun de nous sait jusqu'à quel moment, depuis quand il a commencé à lâcher. Je vous ai parlé, j'ai parlé de mon cas, j'ai pris juste un exemple sur rien que la lecture de la parole. Dans ma vie aussi, je connais des aspects que je dois revoir forcément parce que je me rends compte que à cette allure, si je continue comme ça dans 3 ans, 5 ans, je me demande mon état spirituel, je serai à quel niveau. Et chacun de nous doit se poser ces questions. Et pourquoi nous, chrétiens, nous devons donc rester éveillés? Donc, il y a plusieurs raisons. C'est pour ne pas pécher, puisque c'est après le péché que nous réalisons combien nous sommes éloignés de Dieu. Souvent, nous sommes tentés dans le péché. Et nous, en ce moment, c'est comme si nos yeux sont voilés, nous partons seulement. Et c'est juste quand nous péchons que nous nous rendons compte maintenant que oh, ce n'était pas la peine. Et nous sommes éloignés de Dieu. Donc, c'est pour ne pas rentrer dans le péché, rester dans le péché que nous devons rester éveillés. Et la deuxième raison que j'ai notée ici, c'est pour ne pas tomber aussi dans la tentation. Ne pas essayer. Lorsque nous sommes éveillés, plus on est éveillé, plus on est vigilant. Mais quelqu'un qui dort, bon, il est obligé, voilà, de céder. Et la plupart du temps, je parlais tantôt de la compagnie. Tu peux dire que tu es jeune chrétien, toi tu ne fais pas du n'importe quoi. Tes amis vont t'amener, ils savent que voilà, on va te donner un peu d'alcool. Voilà, tu prends. Tu n'as plus ton raisonnement. Et ce que tu voulais éviter, c'est ça que tu vas faire. Et après, tu te rends compte que voilà. Puisque on sait qu'il faut qu'on te mette dans un petit état de sommeil où tu n'arrives plus à raisonner, que tu perds ton raisonnement ancien pour pouvoir faire ce qu'on voulait que tu fasses. Donc, il faut être éveillé pour être beaucoup plus vigilant et éviter de tomber donc dans ces tentations et dans ces péchés. Et aussi, nous devons rester éveillés en tant que chrétiens pour pouvoir avancer. Ne pas être mal nourri spirituellement. Je disais tantôt que la recette à l'église, c'est la parole de Dieu. Pour que quelqu'un puisse croître, grossir, prendre la forme, comme on aime le dire, c'est la parole de Dieu. Nous avons tous des tailles ici. Bon, moi, personnellement, je vais maintenir ma ligne comme ça. Mais il y a des gens aussi qui sont pas, qui veulent vraiment grossir, surtout les dames. Voilà. Les gens, ils vont dire, ah, mais toi, pourquoi tu es là? Tu n'as même pas... Il suffit que la personne voyage, il revienne, on dit, mais ah, tu as grossi, hein, ou bien tu as dépéri. Hein. C'est comme si c'est le premier constat déjà qu'on fait d'abord avant de rentrer dans les autres. Donc, et je me demande si Dieu pouvait vraiment nous sortir nos formes spirituelles. À quoi nous allons ressembler? Est-ce que nous avons grossi? Est-ce que nous avons maigri? C'est vrai. Spirituellement, on devait aussi savoir se juger. Chacun de nous cherche à avancer, on fait des études, on cherche à grossir, à être en forme, en bonne santé. Mais est-ce que spirituellement, on nourrit aussi l'esprit spirituellement pour que l'esprit aussi soit en bonne santé, pour que nous puissions aussi croître, pour que nous ne tombons pas dans cet état de sommeil, mais que nous puissions avancer. Je pense que c'est important. Et nous devons aussi rester éveillé pour pouvoir aller évangéliser, être toujours prêt à aller évangéliser. Le chant des femmes disait d'aller et d'évangéliser. Et à la fin, quand elles ont commencé à sortir, je pensais qu'elles partaient directement pour évangéliser. J'ai vu qu'elles sont revenues s'asseoir. Allons-y, allons évangéliser. Mais pour pouvoir évangéliser, il faut que nous soyons éveillés. Imaginez quelqu'un qui n'est pas éveillé spirituellement, comment il peut évangéliser? Toi-même, tu es dans un état de somnolence, comment tu peux rester éveillé pour évangéliser. Et il faut que nous soyons éveillés pour être prêts au retour du Seigneur. Parce que à tout moment, Jésus peut revenir. Ou bien à tout moment, la mort peut nous surprendre. Et c'est ce que généralement nous oublions. Souvent, on ne pense à la mort que quand nous sommes devant un lit d'hôpital, ou bien lorsque nous rendons visite à un malade. Et cette semaine, du lundi jusqu'à hier, j'étais à l'hôpital avec un neveu qui ne se sent pas, un bébé, qui était hospitalisé. C'est hier qu'on les a libérés. Et comme j'étais fréquemment là-bas pour aller rendre visite, quand tu vois l'état des malades et autres, finalement, tu commences à te poser la question, des questions sur la vie. Toi, tu as la santé, tu peux taper un an, deux ans sans même être hospitalisé. Et on ne dit pas Dieu merci. On est là chaque fois, on se plaint. Il suffit d'aller te coucher un jour, passer une nuit à l'hôpital. Et là, tu commences à réfléchir. Tu dis, ah, ce que Dieu a fait pour moi, c'était des bonnes choses que je négligeais. Donc, il faut que nous arrivons aussi à être toujours prêts pour le retour du Seigneur. Jésus lui-même l'a dit, hein, soit il vient, on ne sait pas ni le jour ni l'heure, et rappelez-vous, le temps est parti, on ne va pas lire ce texte que j'avais noté, vous pourrez le lire à la maison, c'est le texte de Matthieu 25, 1 à 13, qui nous parle de la parabole des 10 vierges, les 10 vierges qui attendaient l'époux, et en temps, elles étaient endormies, mais on nous dit qu'il y a 5 d'entre elles qui étaient sages, qui avaient pris des prévisions d'huile, et il y a 5 autres qui étaient folles, qui n'avaient rien pris. Et quand les folles sont reparties pour acheter leur huile, elles sont revenues trouver que la porte est fermée, elles ne pouvaient pas rentrer. Et si vous lisez aussi dans Marc 13, 32 et 33, c'est Dieu seul qui connaît le moment. Et là, je vais le lire, Marc 13, 32 et 33. Quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît. Pas même les anges dans le ciel, ni le Fils. Le Père seul les connaît. Faites bien attention, restez en éveil et priez, car vous ignorez quand ce temps viendra. Jésus même, il parle ici, il dit de rester éveillé et de prier. Même si ce n'est pas le jour du Seigneur, parce qu'on a l'habitude de dire, voilà, Jésus dit, il vient bientôt, ça fait 2000 et quelques ans, le bientôt là, c'est quand? Mais le bientôt, c'est quand toi, tu seras mort, c'est le jour de la fin de ta vie. Il se peut que tu sortes et que tu aies même un accident aujourd'hui et que tu meurs. On disait, ah, ça fout là. Mais ça peut arriver. Donc, personne ne sait ni le jour ni l'heure de son retour. Donc, il faut que nous soyons toujours éveillés pour être prêts. Seras-tu prêt? Oui ou non? Chacun pourra répondre à cette question. Ou bien on se demande toujours, on nous dit, voilà, on raconte l'histoire d'un philosophe à qui on a posé la question. Es-tu le philosophe tel? Il dit, moi-même, je me le demande. Il dit, lui-même, il ne peut pas dire que c'est lui. Est-ce que si on nous pose la question, est-ce que nous sommes prêts, nous allons dire, ah, nous-mêmes on se demande si on est prêt. Alors que ici, c'est oui ou non. Soit on est prêt, soit on n'est pas prêt. Donc, pour être prêt à la fin des temps, ou à la fin de nos jours sur terre, soyons prêts à chaque instant de la journée. Si nous sommes prêts à chaque instant de la journée, ce sont les petits instants de la journée qui s'accumulent pour former la journée. Et ce sont les journées qui s'accumulent pour former des semaines, ainsi de suite, pour former des années et tout le temps que nous allons passer. Ça veut dire que nous serons toujours prêts, que le Seigneur soit de retour ou que nous-mêmes soyons à la fin de nos jours. Donc, c'est ce que j'avais voulu partager avec vous, qui m'a encouragé cette semaine et que je pense que ça pourra aussi vous encourager dans votre marche avec le Seigneur. On souhaite que Dieu vous bénisse et que Dieu lui-même réveille chacun. Parce que si Dieu lui-même nous réveille, on tiendra bon. Mais si c'est quelqu'un d'autre qui nous réveille, ou bien si on a une autre motivation qui nous réveille, Et si cette motivation est passée, on va toujours retomber dans cet état de sommeil. Donc, veillons et prions. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu.